de Dieu. Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Dieu, Allah Seigneur des mondes, Maître de l'univers, qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui existe par sa puissance, sa science et sa sagesse. Et que le salut et la guidée soient sur notre prophète Mohammed et sur tous les prophètes que Dieu a envoyés. Donc ceci est un message moral que je t'écris. Pour toi en premier lieu, mais également pour toute la famille. Car vous savez que je me suis converti à l'islam il y a de cela maintenant 16 ans, en 98. Et cette conversion n'a pas été le fruit d'un lavage de cerveau ou de pression, mais c'était une recherche personnelle sur plusieurs années, car depuis l'âge de 15 ans, je recherchais la vérité. Et je lisais sur les différentes religions qui existent sur Terre. Et lorsque j'ai lu sur la religion de l'islam, il m'a paru la clarté de cette religion. Et sa conformité avec la raison. C'est pour cela que, après 2 ans de lecture approfondie, et de recherche et de questionnement, il m'est apparu que cette religion était la vérité. Et c'est pour cela que je me suis converti. Comme je disais, tu as créé les cieux et la terre. Et il a créé tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre par sa puissance, par sa science et par sa sagesse. Puis il a créé l'homme en le mettant lieutenant sur cette terre afin qu'il la gère et qu'il en profite. Cependant, les êtres humains, par ignorance, par négligence, par faiblesse ou par injustice, se sont égarés. Souvent, ils se sont égarés du grand chemin que Dieu leur avait tracé. Et c'est pourquoi Dieu a toujours envoyé au fil des temps des prophètes messagers afin d'enseigner le bien aux gens et de leur rappeler pour qu'ils bénéficient du bonheur et de la bonne vie sur terre et dans l'au-delà. Il a donc envoyé beaucoup de prophètes, tels que Noé, Abraham, Isaac, Ismaël et Jacob, Moïse, David, Salomon, Jésus et beaucoup d'autres prophètes. Jusqu'à ce qu'il ait envoyé le prophète Mohammed, qui fut le dernier des messagers et le sceau des prophètes, celui qui est venu pour clôturer la révélation de Dieu et le message divin, et celui après qui il n'y a plus eu et il n'y aura plus aucun prophète. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui et sur tous les prophètes de Dieu, n'est pas venu avec un message différent du message des prophètes qui l'ont précédé. Mais il n'est que la continuité et le parachèvement de la religion de Dieu. La religion de Dieu le Dieu créateur, Allah. Il est venu pour parachever cette religion, la religion de Dieu, et la religion à laquelle tous les prophètes ont appelé, et qui consiste à adorer le seul vrai Dieu, celui qui a créé tout l'univers et qui le gère. Cette religion qui consiste également à délaisser l'adoration de toute idole, de toute autre chose existante à part Dieu, parmi les fausses divinités. Tout ce qui est adoré en dehors de Dieu, tout ce qui est adoré en dehors du Dieu créateur, ne mérite donc pas d'être adoré, car c'est une créature. Est-il juste et acceptable de mettre une créature au même rang que le créateur en lui attribuant des formes d'adoration, tel le fait d'invoquer autre que Dieu, d'invoquer des anges, d'invoquer des prophètes, d'invoquer des saints, etc., etc., d'invoquer des idoles, d'invoquer la nature. Ceci est injuste, car le seul à qui nous devons demander ce dont nous avons besoin, et le seul vers qui nous devons nous diriger par l'adoration, c'est le Seigneur Créateur, le Seigneur des mondes, Dieu le Tout-Puissant. Aucun parmi les prophètes de Dieu n'a accepté d'être adoré. Et tous ont appelé à adorer le Dieu qui les avait envoyés, le Dieu créateur du monde. Du premier au dernier des prophètes, ils ont tous appelé à cela. À partir de Noé, jusqu'à Jésus et jusqu'à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur eux tous. Jésus n'a jamais appelé et n'a jamais accepté d'être invoqué en dehors de Dieu ou d'être invoqué avec Dieu. Car l'invocation ne doit être attribuée qu'à Dieu. C'est lui seul que nous devons invoquer pour nos requêtes. C'est à lui seul que nous devons demander de l'aide. C'est à lui seul que nous devons demander de nous sauver de nos craintes. C'est à lui seul que nous devons demander la guérison. C'est à lui seul que nous devons demander qu'il nous préserve de tout mal sur terre et dans l'au-delà. Et c'est à lui seul que nous devons lui demander tout ce dont nous avons besoin sur terre et dans l'au-delà. Et c'est pour cela que tous les prophètes de Dieu ont tous appelé l'humanité à adorer ce Dieu créateur, unique et sans associé. Ils ont tous appelé à lui obéir et à s'écarter de l'adoration des anges, des prophètes, des astres, des animaux, des arbres, des pierres et de n'importe quelle créature. Le message de tous les prophètes est donc un seul et même message. Même s'il contenait certaines différences, en ce qui concerne les obligations et les interdictions, la base du message est le même, qui est d'adorer un Dieu unique, le Dieu créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui existe. Et le prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui, n'a fait que suivre l'ordre de Dieu d'appeler l'humanité à revenir au monothéisme pur. Il n'a fait que suivre l'exemple de tous les prophètes qui l'ont précédé. Avant même de recevoir la révélation de Dieu, il était déjà connu dans son peuple pour être quelqu'un de véridique, digne de confiance, généreux, chaste, pudique, modeste, juste et courageux. Il avait l'habitude de se retirer dans une grotte à la Mecque, qui s'appelle la grotte de Hira. Il se retirait dans cette grotte afin d'adorer Dieu et de méditer sur la vie et sur la création. Et un jour, alors qu'il était dans cette grotte, en méditation, l'ange Gabriel est venu le voir. Il lui a dit, il est venu avec des feuillets, et il lui a dit, lis. Alors le prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction soient sur lui, lui répondit, je ne sais pas lire. Car le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui, était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Alors, lorsqu'il répondit cela à l'ange Gabriel le prit dans ses bras et le serra fort jusqu'à ce que le prophète crût qu'il allait mourir. Il le relâcha. Il le redit une deuxième fois. Lis. Alors, le prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sur tous les prophètes, répondit la même chose que je ne sais. Il lui répondit, je ne sais pas lire. Et alors l'ange Gabriel le prit une deuxième fois et le serra fort, jusqu'à ce que le prophète crut qu'il allait mourir. Puis il le relâcha. Il lui redit une troisième fois, lis. Et le prophète répondit, je ne sais pas lire, une troisième fois. Et pareillement, l'ange Gabriel le serra fort, jusqu'à ce que le prophète crut qu'il allait mourir. Puis il le relâcha. Et alors il lui récita les premiers versets que Dieu lui avait révélés. Et qui disent, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain à partir d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le plus noble. Celui qui a enseigné par la plume, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et donc ce fut les premiers versets et les premières paroles de Dieu qui furent révélées au prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Alors, le messager de Dieu, Mohammed, retourna chez lui en tremblant. Et il alla voir sa femme qui s'appelait Khadija, qu'Allah l'agrée. Il lui dit, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Alors elle l'enveloppa jusqu'à ce que la peur s'estompât. Puis il dit à sa femme ce qui s'était passé. Il lui raconta ce qui s'était passé dans la grotte. Et il lui dit, certes, je crains pour moi-même. J'ai peur pour moi-même. Alors elle lui répondit, non, tu ne dois pas avoir peur. Je jure par Dieu que Dieu ne t'humiliera jamais. Car certes, tu gardes les liens de parenté, tu aides les incapables et les nécessiteux, et tu offres hospitalité aux invités et aux étrangers, et tu aides, tu secours la vérité. Alors Khadija emmena le prophète voir un de ses cousins, qui s'appelait Waraka, et qui était un homme qui était devenu chrétien avant la prophétie du prophète Mohammed. C'était un arabe qui s'était converti au christianisme et qui lisait le livre saint. Il lisait l'évangile et l'écrivait en hébreu. Et il était très âgé. Alors, Khadija lui dit, ô cousin, écoute ce que ton cousin a à te dire. Et c'est alors que le prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soit sur lui, lui raconta ce qui s'était passé dans la grotte et ce qu'il avait vu. Car le prophète ne savait pas quel était cet homme qu'il avait vu dans la grotte. Et c'est alors que Waraka lui répondit, cet esprit que tu as vu est le même esprit que Dieu a envoyé vers Moïse. Puis Waraka lui dit, si seulement je pouvais être jeune, et si seulement je pouvais être vivant lorsque ton peuple te chassera. Alors le prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui, lui répondit, pourquoi vont-ils me chasser? Alors Waraka lui répondit, oui, aucun homme n'est venu avec le message avec lequel tu viens, aucun homme avant toi n'est venu avec le même message avec lequel tu viens, sans qu'il n'ait été combattu. Mais si cela arrive alors que je suis encore vivant, je te secourrai honorablement. Mais malheureusement, Waraka décéda quelque temps après. Et il faut savoir que la venue du prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sur tous les prophètes, a été annoncée dans des prophéties de la Bible. Car, comme Dieu a dit dans le Coran, dans la sourate numéro 7, sourate Al-A'raf, verset 157, Dieu dit, dans la traduction rapprochée du sens, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Puis dans le verset suivant, Dieu s'adresse au prophète Mohammed en lui disant, « Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, c'est-à-dire Dieu à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie, et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Dieu, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. » Donc, dans ce verset du Coran, Dieu dit que le prophète Mohammed a été mentionné dans la Torah et dans l'Évangile, dans la Torah qui a été donnée à Moïse et dans l'Évangile qui a été donné à Jésus, que la paix soit sur eux tous. Et en effet, dans la Bible, on trouve dans le Deutéronome, au chapitre 18, les versets 18 à 22, on trouve qu'il est écrit, je ferai se lever au milieu de leurs frères. Hein, Dieu s'adresse à Moïse. Hein, Dieu s'adresse à Moïse en lui disant, je ferai se lever au milieu de leurs frères, c'est-à-dire aux frères des enfants d'Israël. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas dit, pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Peut-être te demanderas-tu, comment reconnaîtrons-nous que le Seigneur n'a pas dit cette parole? Si le prophète parle au nom du Seigneur et que la parole reste sans effet et ne s'accomplit pas, alors le Seigneur n'a pas dit cette parole. Le prophète l'a dite avec présomption. Tu ne dois pas en avoir peur. Donc dans ces versets du Deutéronome chapitre 18, Dieu s'adresse à Moïse en lui disant qu'il fera se lever au milieu de leurs frères, c'est-à-dire aux frères des enfants d'Israël, qui sont les enfants. Qui sont les enfants d'Isaac. Hein, aux enfants d'Israël. Il fera se lever au milieu de leurs frères, donc des frères des enfants d'Israël, donc qui sont les enfants d'Ismaël. Car Isaac et Ismaël sont tous les deux les enfants d'Abraham. Et les enfants d'Israël sont les descendants donc de Isaac. Et leurs frères sont donc les enfants d'Ismaël. Et le prophète Mohammed est le descendant de Ismaël. Donc c'est cette prophétie du Deutéronome est claire dans le fait qu'il s'agit du prophète Mohammed. Car Dieu dit à Moïse qu'il fera se lever au milieu des frères des enfants d'Israël un prophète comme lui, comme Moïse, et qu'il mettra dans sa bouche ses paroles, et que ce prophète dira tout ce que Dieu lui prescrira. Et dans le Coran, on trouve écrit dans la sourate l'Étoile, la sourate numéro 53, écrit dans le Coran, dans la sourate 53, la sourate l'Étoile, que Dieu dit par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Donc, ça c'est comment Dieu définit le prophète Mohammed en disant qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais que ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Tout comme là il dit dans le Deutéronome, je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Et Dieu menace ceux qui n'écouteront pas ce prophète. Lorsqu'il dit ensuite, si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Puis ensuite, Dieu met en garde contre les faux prophètes. Et également, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, dans les versets 7 à 15, Jean rapporte les paroles de Jésus. Lorsque Jésus a dit que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui, Jésus dit, pourtant je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Donc dans ces versets, de l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, Jean rapporte les paroles de Jésus qui dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir après lui et qui va conduire les chrétiens dans toute la vérité, qui va conduire la communauté dans toute la qui va conduire l'humanité dans toute la vérité. Et il répète, comme ceci est venu dans le Deutéronome, que ce prophète, cet esprit de vérité, en effet, il dira, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais c'est ce qu'il aura entendu qu'il dira. Et il n'y a pas de prophète qui est venu après Jésus, mis à part le prophète Mohammed. Que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur eux deux, et sur tous les prophètes de Dieu. Et également, certains grands rois chrétiens de l'époque du prophète Mohammed avaient reconnu sa véracité. Il y a dans des récits historiques authentiques qui prouvent cela. Comme par exemple, lorsque les musulmans, au début de la prédication du prophète Mohammed, lorsque les musulmans ont dû émigrer en Abyssinie, car à cause des persécutions qu'ils subissaient à la Mecque par les polythéistes, certains parmi les musulmans ont dû émigrer et sortir pour aller en Abyssinie, qui est actuellement la région de l'Éthiopie à peu près. Car il y avait là-bas un roi chrétien qui était juste. Et le prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a conseillé à ses compagnons qui n'arrivaient plus à supporter les persécutions des polythéistes, il leur a conseillé d'émigrer vers là-bas, car le roi d'Abyssinie était quelqu'un de juste. Et c'était un roi qu'on appelait le Négus. Donc, une des femmes faisant partie des compagnons du prophète Mohammed raconte ce qui s'est passé lorsqu'ils sont partis là-bas, en Abyssinie. Et cette femme d'ailleurs est devenue après la femme du prophète Mohammed. Donc cette femme, elle raconte et elle dit, lorsque nous sommes partis en Abyssinie, nous étions en compagnie du meilleur voisin possible, le Négus. Et nous avons été préservés pour pouvoir pratiquer notre religion. Nous pouvions pratiquer notre religion et adorer Dieu sans être persécutés. Et nous n'entendions rien qui puisse nous faire du mal. Nous n'entendions aucune critique. Et lorsque les polythéistes de la Mecque ont entendu cela, que nous étions partis en Abyssinie et que nous étions en paix là-bas, ils ont envoyé deux hommes vers le Négus pour lui offrir des cadeaux à lui et à tous les prêtres et évêque d'Abyssinie, afin que le négus nous renvoie vers les polythéistes de la Mecque. Et donc, ces deux hommes, envoyés par les polythéistes de la Mecque, ont été voir tout d'abord les prêtres d'Abyssinie et leur ont offert beaucoup de cadeaux. Puis ensuite, ils ont été voir le négus et également lui ont offert des cadeaux et lui ont dit Ô cher roi, sont venus dans ton pays des gens imbéciles qui ont délaissé la religion de leur peuple et ne sont pas rentrés dans ta religion. C'est-à-dire, ils ont délaissé la religion de leur peuple, c'est-à-dire le polythéisme, et ils ne sont pas rentrés dans ta religion, le christianisme. Et ils sont venus avec une religion innovée que ni nous, ni toi ne connaissons. Et les grands notables de la Mecque nous ont envoyés afin que tu renvoies ces gens-là vers nous, car les gens de la Mecque connaissent mieux ces gens-là que toi. Et donc, là, tous les évêques et les prêtres qui étaient présents, ils ont dit au roi Négus, crois-les au roi, il faut que tu les croies ces deux hommes. Leur peuple les connaissent mieux que nous. Donc renvoie-les vers eux et vers leur peuple. Alors le Négus s'énerva, il dit, non par Dieu, je ne les renverrai pas et je ne les livrerai pas. Et je ne trahirai pas des gens qui sont venus dans mon pays jusqu'à ce que je les fasse venir et que je les questionne sur ce par quoi ils sont accusés. Si ce que ces deux hommes ont dit est vrai, alors je les livrerai à eux et je les renverrai vers leur peuple, ou sinon je les protégerai et je les traiterai convenablement. Alors le Négus envoya des gens pour chercher certains parmi les musulmans qui étaient présents dans son pays. Et les musulmans, lorsqu'ils ont été appelés, ils se sont réunis et puis ils ont dit, qu'est-ce que nous allons dire à cet homme lorsqu'il va nous questionner? Puis ils ont dit, par Dieu, nous ne dirons que ce que notre prophète nous a enseigné et nous a ordonné. Et qu'il advienne ce qu'il advienne. Puis lorsqu'ils sont venus à lui, ils se sont donc installés dans la salle, et le Négus, avec tous ses évêques et tous ses prêtres autour de lui, était présent avec leurs livres saints. Puis le Négus les questionna. Quelle est cette religion que vous avez délaissée Quelle est cette religion plutôt avec laquelle vous êtes venu, de sorte que vous avez délaissé la religion de votre peuple et vous n'êtes pas entré dans ma religion, et ni dans aucune religion qui est connue aujourd'hui? Alors celui qui parla était un des compagnons, un des plus nobles compagnons du prophète Mohammed, qui s'appelait Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far, fils de Abi Talib. Et il dit, ô cher roi, nous étions des gens vivant dans l'ignorance. Nous adorions les statues et nous mangions la viande trouvée morte. et nous commettions les turpitudes, et nous coupions les liens de parenté, et nous étions de mauvais voisins. Le fort parmi nous mangeait le plus faible. Nous étions ainsi jusqu'à ce que Dieu envoya vers nous un messager, un prophète, dont nous connaissons la lignée et la véracité et la chasteté. Il nous a appelés, ce prophète nous a appelés à Dieu, nous a appelés à adorer Dieu et à l'unifier dans l'adoration, et à délaisser ceux que nous adorions, nous et nos ancêtres, en dehors de Dieu, tels que les pierres et les idoles. Et ce prophète nous a ordonné d'être véridiques dans nos paroles, d'être véridiques dans la parole, et de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et de garder les liens de parenté, et d'être de bons voisins, et de délaisser tous les interdits, et d'arrêter de faire couler le sang. Et il nous a interdit toutes les turpitudes, ainsi que le faux témoignage, le fait de manger les biens de l'orphelin, ou de calomnier les femmes chastes. Il nous a ordonné d'adorer Dieu uniquement, sans lui attribuer d'associé. Et il nous a ordonné de prier, d'accomplir la prière, de payer de faire l'aumône, la zakat, et de jeûner. Nous avons cru en lui et nous l'avons suivi dans sa religion. Et nous avons adoré Allah seul, sans lui attribuer d'associé, et nous avons délaissé ce qu'il nous avait interdit. Et nous sommes rendus licites ce qu'il nous avait rendu licite. C'est alors que notre peuple s'est retourné contre nous et nous ont persécutés. Et ils nous ont éprouvés dans notre religion pour nous faire revenir à l'adoration des statues et des idoles. Et pour que nous nous permettions de faire ce que nous faisions auparavant parmi les mauvaises choses. Et lorsqu'ils nous ont obligés à cela, et qu'ils nous ont persécutés, et que c'est devenu trop dur pour nous à supporter, et qu'ils se sont interposés entre nous et entre notre religion, c'est alors que nous sommes partis pour venir dans ton pays. Et nous avons choisi de venir vers toi plutôt que d'aller ailleurs, parce que nous espérions que nous ne serions pas victimes d'injustice auprès de toi, cher roi. C'est alors que le négus lui demanda « Est-ce que tu as avec toi tes versets ? Est-ce que tu as avec toi des versets de ce qu'il ramène, de ce que ce prophète a amené de la part de Dieu ?» Alors Ja'far lui a dit oui. Donc le négus lui demanda de les lui réciter. Et alors Etsa Ja'far se mit à lui réciter le début de la sourate Marie. Qui raconte la naissance miraculeuse de Jésus et sa prophétie. Et je t'enverrai également un lien pour que tu puisses écouter la récitation de cette sourate avec sa traduction, une traduction rapprochée du sens des versets. Et donc, une fois que Ja'far lui récita cette sourate, le négus se mit à pleurer jusqu'à ce que sa barbe soit trempée. Et tous les évêques qui étaient présents également se mirent à pleurer jusqu'à ce qu'ils mouillèrent leurs livres. lorsqu'ils ont entendu ce qui leur a été récité. Puis le négus dit, certes, je jure par Dieu, que cette chose et ce avec quoi est venu Moïse sort d'une même source. Puis le négus dit aux deux hommes, vous pouvez partir, aux deux hommes de Corège, aux deux polythéistes, il leur dit, vous pouvez partir. Je jure par Dieu que je ne vous les livrerai pas. C'est alors que les deux polythéistes qui avaient été envoyés ont eu la rage. Et ils ont été revoir le négus pour lui dire que ces musulmans disent de Jésus que c'est un esclave. Donc ils sont partis le voir et ils lui ont dit, ô roi, ces gens-là disent une parole grave sur Jésus, fils de Marie. Fais-les venir et pose-leur la question et tu verras ce qu'ils disent sur lui. Alors, le négus appela Ja'far une nouvelle fois. Une fois que Ja'far fut devant le négus lui demanda « Qu'est-ce que vous dites de Jésus, fils de Marie ?» Alors Ja'far lui répondit, nous disons de lui ce avec quoi est venu notre prophète, que Jésus est un serviteur de Dieu et un messager de Dieu, et une âme qui a été créée par Dieu, et la parole de Dieu qui a été mise dans la Vierge Marie, la chaste. Alors le négus tapa avec ses mains sur le sol. Il prit un petit bout de bois et il dit, Jésus, fils de Marie, n'a pas le message de Jésus, fils de Marie, ne dépasse pas de la taille de ce petit bout de bois, ce avec quoi est venu le prophète Mohammed. Et c'est alors que tous les prêtres qui étaient présents se mirent à grogner. Et le négus leur répondit, même si vous grognez, puis ensuite il dit aux musulmans, vous pouvez aller sur ma terre sans craindre quoi que ce soit, et quiconque vous insulte ou vous critique devra payer une amende, et pour rien au monde je ne voudrais commettre d'injustice envers l'un d'entre vous. Puis ensuite le négus ordonna de rendre aux deux polythéistes de la Mecque, de leur rendre leur cadeau. Et il dit qu'ils n'avaient pas besoin de cela. Et qu'ils n'avaient pas eu besoin de payer des pots de vin pour récupérer son royaume. Et que donc ils n'allaient pas en accepter une fois qu'il a récupéré son royaume. Et c'est ainsi que se termina cette histoire et que les deux polythéistes de la Mecque retournèrent à la Mecque sans réussir à convaincre le négus de renvoyer les musulmans. Également, parmi les histoires qui se sont passées, qui prouvent que même les chrétiens ont reconnu la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la prière et la bénédiction de Dieu soit sur lui, lorsque son oncle, qui s'appelait Abu Sufyan, et qui était alors un ennemi de l'islam, il ne croyait pas au prophète Mohammed, et il était parti avec certains polythéistes de la Mecque pour faire du commerce dans la région de la Syrie. Donc il était parti en Syrie pour faire du commerce. Et il y avait un empereur romain qui s'appelait Héraclius qui avait entendu parler du prophète. Et donc, lorsqu'il a su qu'il y avait certains Arabes dans la région où il était, il les a fait appeler. Il les a fait appeler pour qu'ils assistent, pour qu'ils viennent dans son assise. Et il a emmené avec lui les plus grands notables romains. Puis il a fait venir un traducteur. Et il a demandé donc à Abou Sofiane et au groupe d'Arabes qui étaient avec lui, il leur a demandé qui parmi vous est le plus proche parent de cet homme qui prétend être un prophète. Alors Abou Sofiane a répondu, c'est moi. C'est moi qui suis le plus proche de cet homme. Puis Héraclius lui a dit, rapproche-toi de moi, et il a ordonné à ses gardes de mettre les gens qui étaient avec Abou Sofiane, de les mettre derrière lui. Puis il a dit à son traducteur, dis à ces hommes que je vais interroger cet homme-là, Abou Sofiane, et s'il me ment, alors que ceux qui sont derrière lui me disent qu'il a menti. Et Abou Sofiane, donc, qui était à l'époque donc un ennemi de l'islam, il a dit plus tard, si ce n'était pas la crainte que l'on dise de moi que j'ai menti, j'aurais certes menti sur lui. Et donc la première question que Héraclius posa à Abou Sofiane, il lui dit, quelle est la lignée de cet homme chez vous? C'est-à-dire, est-il d'une bonne famille? Alors Abou Sofiane a répondu qu'il fait partie d'une grande lignée. Puis Héraclius lui demanda, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant lui qui a dit les mêmes paroles qu'il dit aujourd'hui? Abou Sofiane a répondu non. Puis il lui demanda, est-ce qu'il y avait parmi ses ancêtres un roi? Abou Sofiane a répondu non. Ensuite, Héraclius demanda, est-ce que ce sont les nobles qui le suivent ou plutôt les faibles? Alors Abou Sofiane a répondu, ce sont les faibles qui le suivent. Puis Héraclius demanda, est-ce que leur nombre augmente ou diminue? Et il répondit, au contraire, leur nombre augmente. Puis ensuite il lui demanda, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui a apostasié sa religion par mépris après qu'il y soit rentré? Et Abou Sofiane a répondu non. Puis ensuite il lui demanda, est-ce que vous l'accusiez de mensonge? Est-ce que vous l'accusiez de mensonge avant qu'il commence à prêcher ce à quoi il prêche? Il répondit non. Puis il lui demanda, est-ce qu'il a commis des trahisons? Abou Sofiane a répondu non. Et en ce moment, nous sommes avec lui en trêve. Et nous ne savons pas, mais nous ne savons pas ce qu'il va faire. Et plus tard, Abou Sofiane dira que c'est la seule parole qu'il a pu dire pour essayer de mettre le doute sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Ensuite, Héraclius lui demanda, est-ce que vous le combattez? Et il répondit oui. Il lui demanda, comment se passent les combats? Alors Abou Soufiane répondit: Des fois c'est nous qui l'emportons et des fois c'est eux qui l'emportent. Ensuite, Héraclius lui demanda: Que vous ordonne-t-il? Alors Abou Soufiane dit: Il nous ordonne d'adorer Dieu l'unique et de ne lui attribuer aucun associé, et de délaisser ce que disaient nos ancêtres, et nous ordonne de prier, et d'être véridique et chaste, et de garder les liens de parenté. Alors Héraclius dit à son traducteur: Dis-lui, c'est-à-dire dis à cet homme, à Abou Sofiane, dis-lui, je t'ai questionné sur sa lignée, et tu m'as dit qu'il était d'une grande lignée, et c'est ainsi que les prophètes sont envoyés parmi les plus grandes lignées de leur peuple. Et je t'ai questionné, je t'ai demandé, est-ce que quelqu'un parmi eux avait dit cela avant lui, chez vous? Et tu m'as répondu que non. Car certes, si quelqu'un d'autre avait dit les mêmes paroles avant lui, j'aurais dit que c'est un homme qui imite quelqu'un qui l'a précédé. Puis je t'ai demandé, est-ce que parmi ses ancêtres il y avait un roi? Et tu m'as répondu que non. Et si tu m'aurais dit que parmi ses ancêtres il y avait un roi, je me serais dit que c'est un homme qui cherche à récupérer le royaume de ses ancêtres. Et je t'ai demandé, est-ce que vous l'accusiez de mensonge avant qu'il prêche ce à quoi il prêche? Et tu m'as répondu que non. Et ainsi j'ai su qu'il n'était pas tel à délaisser le mensonge sur les gens pour venir mentir sur Dieu. Puis je t'ai demandé, est-ce que ce sont les nobles qui le suivent ou plutôt les faibles? Et tu m'as répondu que ce sont plutôt les faibles qui le suivent, et ce sont certes eux les suiveurs des prophètes. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui suivent les prophètes sont les faibles. Puis je t'ai demandé, est-ce que leur nombre augmente ou diminue? Et tu m'as dit qu'il augmente. Ainsi en est de la foi jusqu'à ce qu'elle soit complète et totale. Et je t'ai demandé, est-ce qu'il y a parmi eux des gens qui délaissent sa religion par mépris après y être rentrés? Et tu m'as répondu que non. Et c'est ainsi qu'est la foi lorsqu'elle pénètre dans les cœurs. Ensuite, je t'ai demandé, est-ce qu'il avait commis des trahisons? Et tu m'as répondu que non. Et c'est ainsi que sont les prophètes. Ils ne trahissent pas. Ensuite, je t'ai demandé de qu'est-ce qu'il vous ordonne? Et tu m'as répondu qu'il vous ordonne d'adorer Dieu seul et de ne lui attribuer aucun associé, et qu'il vous interdit d'adorer les statues et les idoles, et qu'il vous ordonne de faire la prière, d'être véridique et chaste. Et donc, si ce que tu m'as dit est vrai, cet homme possédera la terre qui se trouve sous mes deux pieds. Et je savais qu'il allait venir. Je savais que sa venue était proche. Mais je ne pensais pas qu'il ferait partie de vous, c'est-à-dire de vous les Arabes. Et si je savais que je pouvais parvenir à lui, j'aurais certes fait tout ce que je peux, j'aurais certes fait tout mon possible pour le rencontrer. Et si j'aurais été, une fois que j'aurais été auprès de lui, je lui aurais certes lavé les pieds. Puis Héraclius demanda qu'on apporte une lettre que le messager d'Allah, que le prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur lui, une lettre que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait envoyée par l'intermédiaire d'un missionnaire. Puis il a lu la lettre que le prophète lui avait envoyée, dans laquelle il est dit: Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de la part de Mohammed, le serviteur de Dieu et son messager, à l'attention de Héraclius, le roi des Romains. Que la paix soit sur celui qui suit la guidée. Certes, je t'invite à l'appel de l'islam. Convertis-toi à l'islam et tu seras sauvé. Et Dieu te donnera ta récompense et Dieu te donnera une double récompense. Et si tu te détournes, eh bien certes, tu porteras le péché et le fardeau de ton peuple. Dis aux gens du livre, venez à une parole. Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneur en dehors de Dieu. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes musulmans. Donc ceci était la lettre que le prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a envoyée à Héraclius, dans lequel il l'appelle à rentrer dans l'islam pour obtenir une double récompense du fait qu'il a suivi le prophète qui lui avait été envoyé, c'est-à-dire Jésus, puis il a suivi le prophète Mohammed. Donc il aura une double récompense. Ainsi, tout chrétien qui rentre dans l'islam, il obtiendra une double récompense, la récompense d'avoir suivi Jésus lorsqu'il lui a été envoyé, puis la récompense d'avoir suivi Mohammed, qui est le dernier des prophètes, qu'il est une obligation pour toute l'humanité de suivre. Ensuite, Abou Sofiane, dans cette histoire, il raconte, il dit que lorsque Héraclius a lu cette lettre, les gens de son assise, c'est-à-dire les nobles, les grands notables romains, ont commencé à faire du bruit et du désordre, et les voix se sont élevées. Puis ils ont ordonné de faire sortir donc Abou Sofiane et les autres Arabes qui étaient avec lui. Puis ensuite Abou Sofiane, il dit, lorsque j'ai vu cela, je me suis rendu compte que le roi des Romains avait peur de lui. Et je n'ai cessé d'avoir la certitude que Mohammed allait triompher sur nous, jusqu'à ce que Dieu me guida à l'islam. Car plus tard, quelques années plus tard, Abou Sofiane s'est converti à l'islam. Et dans cette histoire, on voit que même les ennemis du prophète Mohammed, et ici en l'occurrence son oncle, Abou Sofiane, ont reconnu la véracité de ce qu'il disait. Héraclius a su par les prophéties qu'il connaissait dans la Bible, les prophéties bibliques, il a su que Mohammed était le prophète annoncé par les autres prophètes qui l'ont précédé, tels que Moïse et Jésus et d'autres. Beaucoup de gens, alors qu'ils se rendent compte de la véracité et de la vérité du message avec lequel Dieu a envoyé le prophète Mohammed, beaucoup de gens, malgré qu'ils savent cela, ne veulent pas se convertir à l'islam, parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire sur eux, ou alors parce qu'ils ont peur pour leurs intérêts personnels, ou alors parce qu'ils ne veulent pas changer leurs habitudes de vie. Alors que l'intelligent est celui qui fait passer la satisfaction de Dieu avant la satisfaction des gens, et qui pense à sa réussite dans l'au-delà, plus qu'à sa réussite dans ce bas monde. Et celui qui va méditer, et qui va étudier, et qui va connaître, les principes de la religion musulmane, que ce soit au niveau du dogme, la croyance, que ce soit au niveau du culte, les adorations, ou que ce soit au niveau des règles et de la législation musulmane, toute personne qui va méditer sur cela ne pourra que se rendre compte de la perfection de cette religion. Une religion qui est basée sur six piliers de la foi, sur les six piliers de la foi, qui est de croire en Dieu, l'unique, le seul qui doit être adoré, le Seigneur des mondes, créateur, administrateur de tout cet univers. Donc c'est la foi en Dieu qui est le premier pilier de la foi musulmane, de croire en Dieu l'unique, et le seul qui mérite d'être adoré. Et le deuxième pilier de la foi, qui est de croire aux anges, qui sont des créatures que Dieu a créées de lumière, et qui obéissent aux ordres de Dieu, dans la gérance de cet univers. Puis le troisième pilier de la foi, qui est la foi au livre révélé, au livre saint, que Dieu a révélé à ses prophètes. Car un musulman est obligé de croire à la Torah qui a été révélée à Moïse, et est obligé de croire à l'évangile qui a été révélé à Jésus. Il est obligé de croire aux psaumes qui ont été donnés à David. Et ainsi, tous les livres que Dieu a révélés à ses prophètes fait partie de la foi musulmane, de croire à cela. Et celui qui mécroit à un seul livre parmi les livres de Dieu, c'est comme s'il avait mécru à tous les livres. Et le dernier des livres que Dieu a révélé est le livre du Coran. Le Coran, qui est le Coran, qui est le livre ultime et la dernière révélation de Dieu, dont Dieu s'est porté lui-même garant de le préserver. Car Dieu, en révélant la Torah et en révélant l'Évangile, il avait confié la garde de ces livres-là aux Juifs et aux chrétiens. Mais les hommes ont modifié le message de Dieu. Ils ont rajouté des paroles en les attribuant à Dieu. Et ils ont enlevé des paroles que Dieu avait dites dans ses livres. Et c'est pourquoi Dieu, lors de sa dernière révélation, qui est le Coran, il s'est porté lui-même garant de le préserver et de le protéger de toute altération. Ensuite, le quatrième pilier de la foi, le quatrième pilier de la foi musulmane, qui est le fait de croire aux prophètes que Dieu a envoyés, à tous les prophètes que Dieu a envoyés. Le musulman doit le musulman doit croire à tous les prophètes que Dieu a envoyés. Depuis Adam, que la paix soit sur lui, jusqu'à Mohammed, le dernier des prophètes. Tous les prophètes que Dieu a envoyés, nous devons y croire. Et celui qui mécroit à un seul prophète, c'est comme s'il avait mécru à tous les prophètes. Donc nous devons croire à Adam, à Noé, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph, à Benjamin, à David, à Salomon, à Jean, à Zacharie, son père, à Jésus et au prophète Mohammed. Que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur eux tous. Nous les musulmans, Nous croyons à tous les prophètes. Et surtout, nous croyons qu'il y a cinq prophètes qui étaient les plus grands prophètes que Dieu a envoyés, qui sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, qui sont les cinq plus grands prophètes que Dieu ait envoyés. Et ici, il y a une question. Car lorsque Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, ceux qui ont cru en Jésus ont été sauvés. Et ceux qui ont mécru en lui, parmi les Juifs, sont destinés à l'enfer. Et les chrétiens ont reproché aux Juifs de ne pas avoir cru en Jésus qui avait été envoyé vers eux. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas croire et suivre le prophète qui est venu après Jésus et qui a été annoncé par Jésus? Car de la même façon qu'ils reprochent aux Juifs de ne pas avoir cru, de la même façon qu'ils reprochent aux Juifs d'avoir cru en Moïse, mais de ne pas avoir suivi ensuite Jésus lorsqu'il est venu vers eux, de la même façon, nous les musulmans, nous reprochons aux chrétiens de ne pas avoir cru dans la continuité du message de Jésus en ne croyant pas au prophète Mohammed. Donc de la même façon que les Juifs ont eu tort de ne pas croire en Jésus lorsqu'il a été envoyé vers eux, de la même façon les chrétiens ont tort s'ils ne croient pas et qu'ils ne suivent pas le prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sur tous les prophètes. Également, parmi les piliers de la foi en islam, le cinquième pilier qui est le fait de croire au jour dernier, le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, où chaque âme sera récompensée pour sa foi et ses actes. Les croyants qui auront obéi à Dieu iront au paradis, et les mécréants, ceux qui n'auront pas cru en Dieu et qui n'auront pas cru en ses prophètes, iront en enfer éternellement. Et ceux parmi les croyants qui auront commis des péchés, tout en gardant la foi en Dieu et en ses prophètes, ils seront sous la volonté de Dieu. Si Dieu le décide, il les fera rentrer directement au paradis par sa miséricorde en leur pardonnant leurs péchés. Et si Dieu le décide, il les punira un temps en enfer pour les purger de leurs péchés, puis leur demeure finale sera le paradis. Mais cela à condition qu'ils aient été croyants, qu'ils aient cru à Dieu et qu'ils aient cru à tous ses prophètes, et surtout le prophète qui leur a été envoyé. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, après la venue du prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui, il est une obligation pour l'humanité de croire en lui et de le suivre, car il est le dernier des prophètes après lequel il n'y aura pas d'autres prophètes. Et celui qui ne croit pas en lui n'est pas considéré chez Dieu comme croyant. De la même façon que lorsque Jésus a été envoyé, ceux qui n'ont pas cru en lui parmi les Juifs n'étaient plus considérés comme croyants. Enfin, le dernier pilier et le sixième et dernier pilier de la foi musulmane, qui est la foi au destin, bon et mauvais. De croire au destin, que Dieu a prédestiné tout ce qui allait se passer, que Dieu a su tout ce qui allait se passer comme bien et comme mal, et qu'il l'a écrit, et qu'il a voulu que les choses se passent ainsi. tout ce qui arrive sur terre et dans les cieux n'arrive que sous la volonté et la permission de Dieu. Que ce soit du bien ou du mal. Puis Dieu récompensera les bienfaisants par le paradis et les récompensera ceux qui auront mal agi par le châtiment de l'enfer. Donc ceci concerne les six piliers de la foi et qui montrent donc la perfection de cette religion, qui est une religion qui appelle à croire à Dieu, au seul Dieu qui existe, une religion monothéiste, le seul vrai Dieu qui mérite d'être adoré, et qui ordonne de croire à tous les livres que Dieu a révélés, et à tous les prophètes que Dieu a envoyés. Et une religion qui ordonne de croire au jour du jugement dernier, que chaque âme sache qu'elle sera rétribuée en fonction de ses actes. Celui qui aura fait le bien récoltera le bien, et celui qui aura fait le mal récoltera le mal. Et le plus grand des biens est le fait de croire en Dieu et en ses prophètes. Et le plus grand des mal est de mécroire en Dieu et en ses prophètes. Ou d'attribuer un associé à Dieu dans l'adoration en commettant du polythéisme. Tel est le plus grand péché et le plus grand mal. De même que le plus grand des biens est la concrétisation du monothéisme en adorant un Dieu unique, le seul Dieu qui a créé. Dieu était seul lorsqu'il a créé toute la création. Personne n'est associé à lui dans la création, et c'est pour cela que personne ne doit lui être associé dans l'adoration. Et également, dans l'islam, il y a ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam. Les cinq piliers de l'islam, qui sont le témoignage de foi, de reconnaître que nul ne mérite d'être adoré en vérité, à part Dieu, Allah, le créateur des cieux et de la terre, et que Mohammed est son serviteur et son messager, le dernier de ses prophètes. Donc ceci est le témoignage de foi, de croire en Dieu l'unique et de l'unifier par l'adoration et de croire au dernier des messagers qui est le prophète Mohammed. Que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Et de même, le deuxième pilier de l'islam qui est l'accomplissement de la prière. Car Dieu, dans le message de l'islam, nous a ordonné d'accomplir cinq prières par jour pour se rappeler de Dieu, l'évoquer, l'invoquer et faire ses éloges. Et le troisième pilier de l'islam qui est l'acquittement de la zakat, l'aumône, qui est une partie des biens qui doit être redistribuée, qui est prise des riches pour être redistribuée aux pauvres. Puis le quatrième pilier de l'islam, qui est le jeûne du mois du Ramadan, car toutes les communautés, il leur a été prescrit un jeûne, notamment chez les chrétiens, il leur a été prescrit le jeûne du carême. Et dans l'islam, il a été légiféré et prescrit le jeûne du mois du Ramadan, qui est le mois pendant lequel le Coran a été révélé. Puis également le cinquième pilier de l'islam qui est le pèlerinage à la Mecque au moins une fois au moins une fois dans la vie du musulman. Telles sont les bases de la religion musulmane, les six piliers de la foi et les cinq piliers de l'islam. Puis il y a également toutes les vertus de la religion musulmane, qui est une religion qui appelle à la véracité, être véridiques dans nos paroles, qui appellent à la justice, à être justes dans nos jugements, et qui appellent à la bienfaisance, d'accomplir le bien envers les créatures. Et donc, vous voyez bien que c'est une religion complète. Ma reine, tu vois bien que c'est une religion complète. Et c'est pourquoi je t'invite, toi ainsi que tous les membres de la famille, je vous invite tous à rentrer dans l'islam, qui est, comme je l'ai dit, le parachèvement de la religion de Dieu et la continuité des messages de Noé, d'Abraham, de Moïse et Jésus. Et sachez que celui qui ne croit pas au prophète Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sur tous les autres prophètes, celui qui ne croit pas en lui et qui ne le suit pas ne pourra pas rentrer au paradis. De même que ceux parmi les juifs qui n'avaient pas cru en Jésus lors de sa venue et ne l'avaient pas suivi ne pourront pas rentrer au paradis. Et sachez que pour rentrer en islam, il suffit de prononcer une parole qui est le témoignage de foi et qui est de dire: je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée à part Dieu, Allah, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, qui se dit en arabe Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc je demande à Dieu le Tout-Puissant de tous nous guider à la vérité et de nous accorder à tous le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et sache ma reine, et sachez tous, que tant que l'être humain est en vie, Dieu accepte son repentir. Mais une fois que la personne est arrivée à l'agonie et que son âme est en train de sortir, il ne peut plus revenir en arrière. Donc réfléchissez. Réfléchissez à votre avenir sur terre et dans l'au-delà. Est-ce que c'est le paradis que vous désirez? Ou est-ce que c'est l'enfer? Je sais que c'est difficile à dire et à accepter, mais c'est ainsi que Dieu a décrété. Que celui qui croit au prophète qui croit en lui et qui croit au prophète qui lui a été envoyé, cette personne-là ira au paradis. Et celui qui mécroit en Dieu ou qui mécroit au prophète qui lui a été envoyé, il ira en enfer. Et que le fait de mécroire en un seul prophète équivaut au fait de mécroire à tous les prophètes. Et c'est pour cela que, en entrant dans l'islam, tu reconnais tous les prophètes que Dieu a envoyés auparavant. Mais celui qui ne rentre pas dans l'islam, il lui manquera la foi au prophète Mohammed, ce qui fait qu'il sera considéré comme ayant mécru en Dieu, car c'est Dieu qui l'a envoyé, tout comme il avait envoyé avant lui Jésus, tout comme il avait envoyé avant lui Moïse, tout comme il avait envoyé avant lui Abraham, tout comme il avait envoyé avant lui Noé. Et à chaque fois, ceux qui ont mécru au prophète qui leur avait été envoyé ont subi le châtiment sur terre, et ils subiront le châtiment de l'enfer dans l'au-delà. Qu'Allah m'en préserve et vous en préserve, et qu'Allah nous guide tous à la religion de vérité, la religion de Dieu unique. Ma reine, je demande à Dieu d'apaiser tes douleurs et de te guérir, tout comme je lui demande de guérir tous les malades de la terre et d'apaiser leurs douleurs, et que Dieu nous guide tous à la vérité et nous accorde à tous le paradis et nous préserve tous de l'enfer. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et sachez que ce que j'ai dit, c'est pour votre bien, parce que je veux pour vous le bien tout comme je le veux pour moi. Et je suis triste, et je serai triste, encore plus triste, de ne pas vous retrouver dans le paradis. Je vous aime tous, et c'est pour cela que je vous envoie ce message, en espérant que vous ne penserez pas du mal de moi. Car mon intention est sincère. Que Dieu vous garde. Que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur les prophètes qu'il a envoyés et sur tous ceux qui les suivent convenablement jusqu'au jour de la résurrection. Au revoir.